Génial. On se procure ça dans cette énorme surface qu'on appelle le Costco. Oui, c'est ça. Mais là, je vous conseille vraiment les Snipe Crisp. Donc, des croustilles de pois. Fait à 70 % de poids entier. C'est fabuleux. Merci, Stéphanie. Ben merci, Mathieu, de m'accueillir et me laisser te parler de nourriture. Hey, tu me fais plaisir, toi, tu le sais. Donc, voilà pour la bouffe de la semaine. C'est toutes les semaines, les jeudis à 9h. Ouais! Ben, je pense que c'est à peu près tout. Moi, je me sens rassasié. On a entendu pendant 3 heures des chroniques La Crème de la Crème et La Bouffe de la Semaine. Je suis plein. Faut que j'aille aux toilettes. C'est une blague. Mais je me sens rassasié, je me sens plein, j'ai le ventre, je veux détacher ma ceinture tellement j'ai aimé ça. Oh, tabarouette, je m'en vais de ça. Ça finit mal l'émission, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Une chance qu'il y avait pas de bine pour vrai. C'est ça, puis une chance qu'on est live, qu'on peut pas reprendre ça. On a refait chacune des 12 chroniques précédentes live. On a invité tout le monde concernant en studio. On remercie Alexandrine Pichessire. Ben oui. Pour la crème de la crème. On me remercie moi. Toi aussi, Stéphanie parce Paradis. Que, tu sers à quelque chose, hein, c'est ça? Ouais. On remercie tous les gens qui ont participé parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont circulé dans ces chroniques-là. Donc, je prendrai pas le temps de les remercier parce que je me rappelle pas chez qui. Mais il y avait plein de monde. Puis merci Mathieu Plante. Sans toi, ça n'existerait pas. Parce que moi, le piton on, c'est la console, je sais même pas y aller. Ah, je suis là pour ça. Juste appuyer sur les boutons. Des fois, faire des mauvaises blagues. On se retrouve en direct lundi entre 7h30 et 9h30. L'émission est évidemment commence à 6h30, mais c'est pas vraiment en live, un peu comme nous autres en ce moment, puis ça paraît pas. Fait qu'on sait, on dit pas, il y a personne qui sait. Donc lundi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes. Le dîner de con va être là à partir de 11h, comme tous les jeudis. Ensuite, c'est Mademoiselle Blues. Et nous, on va être de retour, vraiment, pour les palmarès, c'est fou, entre 15h et 18h. Donc je vous conseille de rester à l'écoute. Et voilà, bonne journée. Et bonne fin de semaine. Bye.